Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. On va se marrer. Salut à toutes et à tous, on va se marrer avec l'équipe habituelle, les locataires permanents alias Bob du club. Salut les filles. Son rire est déposé à la SACEM. Fais-lui en un coup, Bob. Ah oui, à chaque fois qu'on a un qui rit comme ça, je touche. Oui, je crois qu'il est plutôt déposé chez Nicolas qui a la SACEM. À côté de Bob, comme chaque semaine, avec une distance réglementaire, Maurice. Bonsoir à tous. Il est là une semaine sur deux parce qu'il y a une semaine il se fait soigner, l'autre semaine il est là. GG. Ah oui, mais il va payer des impôts bientôt hein, sur son arrêt de travail. Hein. Oui, je ne m'arrête jamais. Il y a une semaine où il boit, une semaine où il trempe. Exactement. Il est actuellement à l'affiche d'un très bon cabaret où il y a beaucoup de monde qui passe dans ce cabaret. Ah ouais. C'est pas un cabaret, comment t'appelles ça, comment? Un théâtre. Un bouge. Un théâtre. Un très beau théâtre, très sympathique. Ça s'appelle comment déjà? Ouais. Ah, mais t'as bien préparé tes fiches. J'y suis allé la semaine dernière. Ah bon, c'était toi? T'as dû y aller un jour de relâche. Non, j'y suis allé pour la première vendredi, c'était très bien. Ah oui. Ah mais c'est le jour où ils ont mis de la lumière. Oui. Donc rappelle-nous le nom du Comic Hall. Ah oui, le Comic Hall. C'est facile de se rappeler, oui. Le Comic Out au Comic Hall. Ah ouais, voilà, Frédéric Koster. Super. Et alors l'émission sera réalisée ce soir par un nouveau, puisque notre ancien réalisateur s'est marié. Ah oui. Et sa femme lui interdit de sortir le soir, donc il ne peut plus faire l'émission. Le pot. Faut que tu reviennes la petite, hein. Voilà. On t'aime bien nous. Donc c'est Davy qui était la technique. Bravo. On l'a déjà eu, je crois. Hein. Oui. Et notre invité vedette ce soir, c'est David Azencott. Merci. Et vous remarquez quand même que je l'ai bien dit. Hein, ah parce oui, que... Et du premier coup. Ah ben oui. Ben oui. Alors, David est à l'affiche du théâtre Pandora. Tout à fait. Tu joues tous les vendredis et samedis. Vendredis et samedis, tout à fait. Mais ça parle de quoi? Alors, ça s'appelle David Azencott Progresse. Oui. D'abord parce que je suis de mieux en mieux évidemment, mais parce que ça parle du progrès qui recule en fait, du fait que c'est de moins en moins bien, que la technique ça sert à rien et que l'homme est de plus en plus méchant avec l'homme, mais d'une façon un petit peu rigolote quand même. Nous on est très gentils avec les hommes. Tu sais. Mais j'espère bien. <non. rire> Gérard enlève ta main. Ça parle aussi d'hommes avec les hommes. Hein. Ah. Fred a vu le spectacle, il peut en témoigner. Enfin, j'ai failli repartir avec un cadeau d'ailleurs. Ouais. Ah. Ça parle d'homoparentalité, tout ça. Ça aborde plein de sujets. Alors dans l'émission, j'espère qu'on aura un ou deux petits extraits du spectacle en live. Tout à fait, je les ferai entièrement bruités à la bouche. Bon. Ouais. Ah oui, bon. Ouais, c'est prévu. Hein. Mais en attendant, il va falloir que tu participes à cette épreuve qui est cette émission. Donc il y aura des questions, il y aura des jeux, et il y a la fabuleuse tournée de blagues. Et ça, la tournée de blagues, ça fait mal. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors allons-y, c'est un avocat et son témoin. Docteur, combien vous avez fait d'autopsies sur des personnes mortes? Bah, toutes. Les vivants se débattent de trop. Ah oui, faut rigoler, il a dit tout à l'heure. Et applaudir. Mais ça, c'est oui, vrai, ça a été vraiment dit, je crois, dans un procès. Ça existait vraiment, ouais. Ouais. Maurice. Merci, David. Alors, c'est deux collègues de bureau qui discutent. Au fait, votre belle-mère, comment va-t-elle? Elle vient de mourir. Ah, qu'est-ce qu'elle avait au juste? Bof, pas grand-chose, une table, deux chaises. Bravo, super. Oh là là, oui. Non, c'est bien. Oui, c'est... À toi, Fred. Essaye de relever le niveau, ça va pas être facile. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'un chiffre impair pour une blonde? Deux. Non, un chiffre qui peut pas se mouiller. Impair. Un chiffre impair. Oh là là, non, c'est oh là, là. Je me mauricise. Oui. Ah oui. ça s'arrange pas. Mais, alors, mais David avait une bonne image de toi, je crois, jusqu'à ouais, ce que là. Ça baisse, ça baisse. Alors, justement, je vais relever un peu le niveau. On a même fait un spectacle ensemble. Tu vois le niveau, alors c'est un ours et un lapin qui sont dans la forêt en train de faire caca. Et l'ours, ça commence bien. Hein, et l'ours dit au lapin, dis donc, t'as pas de problème, toi, ça colle pas aux poils. Le lapin fait, bah non, moi j'ai les poils soyeux, ça part tout seul et tout. Ah bon. Alors l'ours prend le lapin et il se torche avec. Belle histoire mignonne. Elle est mignonne. Trois petites vieilles qui se promènent dans le bois de Boulogne. L'une dit, en regardant, désignant des préservatifs par terre. C'est pas honteux, regardez-moi ça, ils jettent ça partout. De notre temps, dit la deuxième, on n'utilisait pas ce genre de sauce. Ils baissent n'importe comment. Et la troisième en ramasse un avec sa canne et il laisse le meilleur en avalant le contenu. Oh, oh non, oh non, oh non, c'est pas mignon. Ça m'étonne pas, GG. Mais la SPA ne protecte pas, ne proteste pas. Mais la SPA, ils sont mal en ce moment. Alors tu sais que Maurice a essayé d'aller voir le spectacle de Christine Bérou la semaine dernière. C'était complet. Et c'était complet, donc il n'a pas pu y aller. Et donc il s'est rabattu sur un autre spectacle juste en face. Et donc Maurice au spectacle. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer un numéro unique au monde. Je vais maintenant introduire mon sexe dans la gueule d'un crocodile et le ressortir intact. Alors Maurice regarde ça. Oh bah dis donc, roulement de tambour, broum, le mec introduit son zizi dans la gueule du crocodile, il ressort le zizi intact. Oh, incroyable. Et maintenant, mesdames et messieurs, encore plus fort. Je vais refaire le numéro, mais cette fois-ci, mon assistant ici présent va donner un coup de marteau sur la mâchoire du crocodile pour bien vous montrer que c'est pas truqué. Roulement de tambour, boum, le mec introduit sa quéquette dans la gueule du crocodile. L'assistant arrive, bam, un coup de marteau sur le croco et hop, le type ressent le sexe indemne. Incroyable. Oh, alors là. Et maintenant, mesdames et messieurs, si quelqu'un dans l'assistance veut tenter l'expérience, je l'invite à me rejoindre sur scène. Alors, il y a Maurice qui est là, qui veut... Ah ben oui, moi je veux bien essayer, mais à une condition. Ben laquelle? C'est pas de te recevoir le coup de marteau sur la tête. Ouais. Bon, restez avec nous, on revient dans quelques instants avec David Azencot. À tout de suite. Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. On va se marrer le retour avec ce soir avec nous David Azencot. Alors David, dans l'émission il y a des épreuves, des jeux, et donc en général il y a deux équipes, la vôtre et celle de Bob et Maurice. Et on demande chaque semaine à l'invité, parce que c'est plus simple pour les auditeurs de suivre, de trouver un nom d'équipe. Donc comment ça pourrait s'appeler votre équipe? Anus. Donc l'équipe des anus. Tiens, ça leur va bien. C'est vrai qu'il y a trois beaux trous du cul quand même. Dans l'équipe des anus, il y a trois trous du cul. Ça tombe bien. Je viens de le dire, Bob. Ah, pardon. Tu n'écoutes absolument pas ce que disent tes petits camarades. C'est un bon. Et donc Alzheimer pour les autres. Merci. Bien trouvé. Je vois qu'ils nous cherchent. Oui, Maurice. Mais il t'a trouvé. Hein. Donc pour que les deux équipes puissent marquer des points, je pose la première question qui va faire plaisir à Bob. Vous savez que tous les métiers ont un saint patron. Et j'aurais voulu vous demander, comme on en a une à la radio, Véronique. Véronique, c'est la sainte patronne de qui? Véronique? Oui. Des taxis? Non. Les fleurs? Non plus. Des putes? Ah non, c'est. C'est Sainte Rita. C'est Sainte Rita. Ah oui. Ah, merde. C'est un métier qu'on cherche. Oui, un métier. Un métier manuel? Putes, il faut y aller ou tu vas? Des pompes funèbres. Un métier manuel? C'est un métier, non, pas manuel, pas spécialement manuel. Intellectuel? Non. Oui, c'est un métier manuel, oui. Voilà. Mais ça se passe à un bureau, le métier? Non. Femme de ménage? Non. Bah non, c'est manuel. Non, ça se passe dans un magasin, pour vous aider. Ah, c'est vendeur. C'est une vendeuse de quelque chose. De chaussures? Non. De godemichet? Non plus. De lingerie? De lingerie. Ouais. Bonne réponse, David Azencot. J'en étais pas loin. Hein. Les trous du cul ont un point. Les anus, s'il te plaît. Ah, les anus. C'est pareil. Pareil. Alors, comme c'est David qui a marqué le point... On va pouvoir s'attarder un petit peu avec lui, parce qu'on a reçu sa bio. Mais en fait, j'ai vu qu'il est dans le CV, t'as fait plein de radios. J'ai fait pas mal de radios, j'en fais encore à Radio Campus 93.9 à Paris. Ah, d'accord. Radio étudiante, je me fais passer pour un étudiant et je continue. Bah, t'es encore là, jeune étudiant, remarque. Enfin, à moins que le CV soit faux. Étudiant en thèse à ce moment-là. Hein. Et donc, d'ailleurs, c'est un des slogans du spectacle. En fait, t'as travaillé longtemps dans la pub. Ouais. Ah ouais, j'ai fait 7 ans ou 8 ans dans la pub. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la pub? Tu vendais ou tu... Non, je suis incapable de vendre quoi que ce soit. Non, j'étais concepteur-rédacteur, donc j'étais payé pour me droguer toute la journée, trouver des idées, faire « ouais, ça serait bien ça ». C'était un créatif. Voilà, un créatif. Voilà. Et tu te souviens de slogans ou de choses que tu as trouvées, de produits? On peut dire hein, les produits. Oui, j'ai fait des pubs pour Voici, par exemple. J'ai fait la pub télé pour Voici avec César et Cléopâtre. Ah. Mais il n'y avait pas de slogan, ça disait juste « Voici » tous les mardis, je crois. C'était pas très intéressant. Je crois que c'était le lundi. C'est bien possible aussi, je suis pas un spécialiste en même temps, parce que souvent les créatifs, souvent ça va absolument pas ce qu'ils vendent, donc on nous fait tout vendre. Donc j'ai vendu aussi des trucs pour le Crédit du Nord, pour Canal+, pour Orange. Et est-ce que tu fumes, David? Ça peut arriver, ça occasionnellement, oui. Oui. Non, parce que j'ai vu que tu avais fait aussi des spots anti-tabac. J'ai bien vu que tu arrivais là-dedans. Ouais. Tout le monde fumait parmi l'organisme anti-tabac. Tout le monde fumait à l'époque. Hein, comme quoi, ça marchait pas encore. Mais ouais, j'ai fait des pubs radio. C'est un peu les seules pubs dont je suis fier parce qu'elles étaient censées être utiles. Oui. Ça s'appelait Vous l'avez dans l'os. Et c'était le grand jeu des fumeurs où en fait le big business de la nicotine faisait perdre les candidats. Ah. Voilà. Et c'était assez rigolo. GG, tu fumes plus toi, au buffet? Tu rigoles, moi je fume et je picole. Et j'emmerde tout le monde. Bon, eh bien on va apprendre un peu plus à connaître David au cours de la soirée, et bien sûr. Ah non, il est chiant. Bah oui, non, mais si, non, mais il y a des choses qui vont arriver. Là, quand on va commencer à parler des pornos et tout ça, ça va intéresser Gérard. Oui, oui. Ah, j'adore. Mais avant ça, nous avons un petit jeu. Mais Maurice aussi, il a joué dans des films porno. Ah, dans lesquels? Ça passe sur France 3. Ah bon? Oui, 30 millions d'amis, ça s'appelle. Je te remercie, Frédéric. Zoophile. Oui. Alors que Bob, c'est 30 millions de mamies. Ah oui. Alors, nous avons un jeu dans l'émission qui s'appelle Deviner, c'est gagné. Ouais, qu'est-ce qu'on rigole. À fond. Alors, j'ai un petit peu modifié les règles parce que j'ai écouté l'émission la semaine dernière. Donc, le principe est toujours le même. J'ai écrit sur des petits bouts de papier des petits mots anodins. Et je vais distribuer ces petits mots. Et le but du jeu, c'est de faire deviner le mot écrit sur le papier aux membres de son équipe et non pas à l'équipe d'en face. Donc dans un premier... Peux faire une réclamation là. La prochaine fois, on amènera un chapeau. Comme ça, on pourra piocher dans le chapeau. Voilà, oui. Mais d'ailleurs, j'ai eu Guillaume Meurice au téléphone, oui, qui était là il y a 15 jours, oui, qui nous a expliqué que donc il faisait son spectacle au chapeau, oui, que tu as été voir, et oui, il m'a appelé en me disant ne m'envoyez plus cet enfoiré de Meurice, il s'est servi dans le chapeau. C'est pas vrai. Rends-lui le chapeau. Et d'ailleurs, les églises non plus ne veulent plus voir Maurice. Oui, mais pas pour les chapeaux, pour les cierges. Alors. C'est distingué. Bob va prendre un mot au hasard. Je ne vais pas prendre le premier parce que tu veux que je prenne celui-là. Non. Va regarder le mot sans le faire voir à Maurice. Maurice, voilà. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer de faire deviner à son partenaire Maurice le mot qui est sur son papier. Dans un premier temps... Tu me regardes, Bob. Voilà. Par contre, on ne va plus faire comme avant, c'est-à-dire qu'on va plus hurler des mots tous en même temps. Ça va être chacun son tour. Ah oui, donc, ça va être plus... Donc tu vas choisir... Ça va être plus radiophonique. Tu vas choisir si c'est d'abord l'équipe adverse qui commence, c'est-à-dire que tu vas avoir trois mots avant Maurice, ou si tu préfères que ce soit Maurice le premier. Non, non, je vais commencer par Maurice. Alors, Maurice le premier. T'es prêt? Mais... Brebis. Eh... C'est pas ça. Bah on peut pas parler en même temps. On peut pas dire. Ah si, maintenant c'est à vous. Mouton. Il a dit mouton. Oui, bah c'est ça. Ah, bah. Et voilà. Ah ouais, d'accord, voilà. C'était compliqué. Alors Gérard, alors maintenant, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides que ça va être d'abord... Ah non, à mes amis. D'abord tes amis. D'accord. À tes trous de cul d'amis. Alors c'est parti pour Gérard. Ding dong, ding dong. David. Cloche. Non. Clochette. Non plus. Maurice. Bourdon. Mais laissez-le dire un mot. Pourquoi tu dis? Qu'est-ce que t'as dit? Bourdon. Pourquoi? Parce que c'est la cage aux folles. ding dong, bourdon. Mais oui, le bourdon, on dit la sonnette. Ah, oui. Ah. Alors. Bob. L'autre maintenant. Bah, sonnette. Oh non. Église. Ah. Bah, chapelle. Clocher. Ah bah voilà. Mais c'est quoi ce mot? Je vais pas loin, il y a le bourdon, il y a le gros, il y a tout ça. Hein. Oui, et quand je pense que Maurice... T'inquiète pas, quand on dira grosse conne, on dira Maurice. Quand on pense que Maurice n'a pas trouvé le mot... Et pourtant, et oui. C'est un mot qui a une signification particulière, c'est ça? Oui, ah, tu n'es pas au courant de cette histoire? Non, on n'a pas vraiment parlé, on m'a dit surtout ne dis pas le mot clocher avant l'émission. Ouais, là, tout le monde l'a dit. Bah non, on l'a déjà dit alors. Non, parce que Maurice en fait a une fabuleuse blague, mais tu pourrais peut-être me la faire en live, Maurice. Ah bah oui, c'est plus drôle parce que maintenant il y arrive. Donc. Pour tout à l'heure, peut-être. Ah oui, mais en attendant qu'il la fasse en live. Voici pourquoi on parle. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en début de saison, on avait dit on va arrêter avec le clocher. Et en fait, on résiste pas toutes les semaines à la faire écouter à nos invités. Donc, oui, comme c'est un invité différent chaque fois. Et savez-vous quelle est la différence entre un i et un clocher? Le public le sait, mais j'attends. La différence entre un i et un clocher? Oui. Non. Alors, le i est une voyelle. Oui. Et le clocher, c'est là où. Consonne. Il a même réussi à la foirer. Ça fait une semaine qu'il répète. Non, non. Cet après-midi, il l'a fait à tout le monde à la station. Il a dit au moins 10 personnes. Moi, je propose. C'est pas possible. Non, refais-la parce qu'on la refait. Moi, je propose qu'on la refasse. Allez, attends, on fera les surprises. Attendez. Alors, oui. Maurice, une petite blague? Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, une petite blague. De laquelle? Bah, celle du clocher. Allez, une autre. Non, celle du clocher. Non, celle. Le clocher. Allez. Savez-vous quelle est la différence entre la lettre I et un clocher? Non. Le I, oui. C'est une voyelle. Oui. Le clocher est. Et une consonne. Mais non, c'est la consonne. C'est la consonne. Je la sais par cœur. Heureusement. Non. Ah, si tu la savais pas. Le clocher. De toute façon, on ne rend pas l'antenne tant que tu l'as pas réussi. Alors, Maurice, une petite blague. Alors, le i. Mais quel i? Non, il est blague depuis le début. Savez-vous quelle est la différence? Oui. Entre un i et le clocher. Non. Et un clocher. Ah non. Non. Moins. Non. Alors. Le i, c'est une voyelle. Oui. Le clocher, c'est la consonne. Ah, ah. Mais attends, excuse-moi. Mais elle est con. Elle est con ce soir. Bravo, Maurice. Bravo. Voilà, David, ça peut te donner des idées pour des sketchs. Ah, mais totalement. C'est ton dessin. Voilà. Alors, on devine et c'est gagné, ça continue avec un mot pour Maurice. Alors, Maurice, choisis son mot. T'as bien choisi. Non. Fais voir, c'est quoi? Fais voir. Alors, est-ce que tu décides que c'est pour Bob ou pour d'abord l'équipe des Anus? Merci, David. Bob. Alors, pour Bob, qui commence? Les huîtres. Moule? Non. Non. Ami de la poésie, ça, bonsoir. Alors à toi, Gérard. Crustacé? Non. Non, voilà. David. Noël? Non plus. Perle? Mais non plus. Ah, alors un deuxième mot. Attendez. Fête? Non. Ah. Fête? Jour de l'an? Moi, je sais. Non. Réveillon? Non. Je pense à ça. Ah bah ouais, désolé. Pense à un mot qui a rapport avec le mot que tu as, en le disant, immédiatement, Bob va te trouver la réponse. Poussin. Poussin, huître, mais évidemment, c'est logique. Poussin, huître. Poussin, huître. Il a dit poussin ou il a dit coussin? Trop tard. Non, ça y est. T'as dit quoi, coussin ou non, rien. Alors, non, tu as dit. Est-ce que tu effaces poussin? Oui, j'efface poussin. Oui, oh, vas-y. Jaune. Jaune. Bon, il faut que j'aide Maurice. Maurice, David, c'est ton point. Oui. Il a fait dans le midi. Non, mais attends, pense à quelque chose que Bob veut te faire toutes les semaines. Une pipe. Ah non, je veux tu pas. Les clés de la voiture. Oui, David, c'est toi qui as les clés de la bagnole. Ah, le geste. Je me casse. Elle est devenue mongolienne ou quoi? Le quoi? Mais non. C'est l'autre qu'il fallait dire. Bah, bah, c'est pas grave, j'ai quand même compris. Allez, vas-y. Le citron. Voilà. Oh là là. Mais pourquoi t'as pas dit vache? Vache. Tu me dis la vache, je te dis le citron. Mais parce qu'il y a une deuxième histoire. D'accord, j'ai un peu de mal à suivre. Poussin, citron, je confonds. Parce qu'en fait, Maurice essaye de raconter depuis une année une blague sur une vache et un citron. Et il n'y arrive pas. Voilà, t'avais redit vache, Bob aurait dit tout de suite vite. Ben oui. Alors on continue. Bien sûr. Parce que maintenant c'est David qui a un mot. Moi, ce que je propose, c'est pékinoise. Mais qu'est-ce que tu me chien fais banana, toi là. Chien. Ouais. Non. Non, mais moi je veux pas de ces merdes. Alors il y a une distribution truc, de masques en fait. Oui, de masques anti-gris pendant l'émission. Mais on dirait une serviette périodique. On dirait, un petit chapeau. On dirait un petit chapeau de Napoléon. On dirait un slip de bébé. Ça donne envie de gerber. Alors c'est donc ça un masque. D'accord. Ouais. Je vais le garder longtemps. C'est ça, alors. Attends, t'as pas dit ton mot. J'ai dit pékinoise. J'ai dit pékinoise. Chinoise. Bravo. Du deuxième coup. Ah oui, alors que chien, j'ai pas compris. En fait, j'ai eu des pékinois. Le dernier mot pour Frédéric. Oh non. Allez. Merci. Alors, est-ce que tu donnes la main à... je donne le mot directement, c'est infaisable. Est-ce que tu donnes la main à Gérard et David ou Bob et Maurice? Toi, j'ai chaud. Oui. Ah bah. Je vais donner la main en face. Alors, c'est donc pour Bob et Maurice. Animal. Chien. C'est pas ça, non, pardon. Mammifère. Non, GG. Truie. Lapin. Non. Deuxième mot. Qu'est-ce que j'en sais? Je vois ce que c'est en plus. Mais... Ah oui. C'est rassurant. Merci Philippe. Eau. Poisson. Castor. Castor dans l'eau. Dauphin. Ah bah ça vit pas dans l'eau les castors. Loutre. Oui. Oh là là là là là là. Oui. D'autant plus difficile qu'en face de moi, Maurice était déguisé en canard avec son masque jaune. Ah oui, c'est dis fou, donc. On dirait Donald Duck. On dirait le canard WC. Alors, résultat des courses. L'équipe d'Alzheimer, Bob et Maurice. Oui, on avait compris. Un point. Oui, mais c'est normal, hein. Et non mais pas ils sont trois fois plus que nous. Hein. Et l'équipe des Anus, 5 points. Oh ouais. Bravo. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Il y aura un extrait du spectacle de David Azencot. À tout de suite. Ah, mon Dieu. Antenne, 2 secondes. On va se marrer. Pendant 2 heures. Antenne. Retour d'On va se marrer. Ouais. C'est bien. Notre invité David Azencot. Oh, bah oui. À l'affiche du théâtre Pandora. Un site internet pour en savoir plus. davidazencot.fr, Azencot, A-Z-E-N-C-O-T. Tout collé. O-T. O-T, oui, O-T. Et il y a un métro où on peut... où on peut quoi, Maurice? Il fait pas ça dans le pour métro. C'est Bastille, en fait, Bastille ou Voltaire. Ou le truc Roland. Non, mais c'est un très joli petit théâtre, il est très discret, une arrière cour, mais on est très bien assis. Et on va y aller. Bon, alors on va faire comme si on était au théâtre Pandora. Alors, oui. Excuse-moi, oui. Mais si Maurice était allé à tous les spectacles... auquel il a dit qu'il irait. Oui. Il n'y aura plus aucun théâtre de Paris qui sera en déficit. je compterai quand même dessus. Je t'attendrai, Maurice. Wow. Il y en a qu'un qui l'est venu voir. Ah, qui ça? Moi. Ah. Et au premier rang en plus. Ouais. Tu l'avais mis au premier rang. On a nettoyé après. Ah. Il y avait alors, nous sommes donc au théâtre Pandora. Oui. Voici un extrait du spectacle de David Azencot. Bravo. Alors, en fait, avant de commencer ce sketch, j'aimerais demander pardon aux femmes dans la salle, à toutes les femmes qui sont ici. Non, mais non, parce que Non, parce que je trouve vraiment que qu'on est vraiment pas au top, nous les hommes en ce moment. Vraiment pas au top, et voilà, je me disais que j'allais vous demander pardon. Alors, je vous parle pas des petites choses, hein, genre les chaussettes sales qui traînent, le bouchon dentifrice sur le lavabo, les poils de cul dans la douche. Hein, non, je vous parle de trucs un peu plus sympas, genre violence conjugale, lapidation, excision, tarte dans la gueule. Ouais, ça commence moyen, je sais. Alors voilà, je voulais vous demander pardon au nom de tous les hommes. Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi je serais le seul. Je crois que tous les hommes dans la salle pourraient demander pardon aussi. Hein. Oui. Oh non. Ouais, si. On la regarde même pas. Mais si, mais c'est pas grave, demander pardon quand même. Voilà, alors on demande pardon. Pardon. Voilà. Non, mais c'est déjà bien, c'est un minimum, c'est bien. Alors les filles, heureuses ? Oui ! Oui, on est contentes ! En même temps, vous l'avez un peu cherché. Hein. Ah non, mais si on remonte aux origines de cette inimitié entre hommes et femmes, c'est un peu de votre faute. Alors moi j'ai une théorie personnelle sur l'origine des espèces. Alors je suis d'accord avec Darwin pour le plus gros. Je pense qu'au début il y avait des espèces de crapauds, qui sont devenues des espèces de chevreuils, qui sont devenues des espèces d'hominidés, qui sont devenues des espèces d'hommes. Ah. Nous. Ah oui. Mais vous là-dedans vous êtes où les filles? Je sais pas. Hein. Non, moi je pense qu'on est deux espèces fondamentalement différentes. D'ailleurs il y a pas longtemps il y a une équipe scientifique qui l'a montré. Seules les femmes ont une petite cavité au milieu du crâne entre les deux lobes frontaux. Comme un petit trou, avant même qu'on l'entire dessus, dis donc. Non, moi je pense, et je dirais même plus loin hein, quand je vais dire ça, je pense qu'il y a 100 000 ans, il n'y avait que des hommes sur Terre. On était tranquilles dans notre grotte, on regardait un match du PSG. Oui, le Paléolithique Sporting Gourdin. Parce qu'à l'époque, le football se jouait avec un gourdin. Bon, un petit peu comme maintenant dans les tribunes du PSG. Hein, d'ailleurs. Et on vivait une croc CRO, hein. La bière de l'homme moderne. Quand soudain, un fracas épouvantable, une lueur d'apocalypse, des milliards de tonnes de poussière projetées dans le ciel, 40 jours de nuit. Bon, nous les mecs dans la grotte, on attend que ça passe, hein, tranquille. Hein. Puis bon, au bout d'un certain temps, on est curieux, on envoie l'un de nous pour voir ce qui s'est passé dehors. Alors on envoie Grok. Oh, oh, oh. Qui veut dire pourquoi moi? Alors nous on répond parce que. Bon bah il y va, hein. Et là, il tombe sur les débris d'un vaisseau spatial gigantesque. Mais un truc, mais de la taille de... Pas de Massy Palaiso, quoi. Un truc vraiment gros, quoi. Et ce vaisseau, c'est une espèce d'arche de Noé. Parce qu'il y a des animaux étranges qui en sortent. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes du coin? Vous êtes du quartier? Non, parce que on est tombé en rade avec les copines. Et on est vraiment nuls en mécanique. Alors, si vous pouvez nous donner un petit coup de main, ce serait vraiment super sympa. Ou nous indiquer un petit garage, bien sûr, oui, évidemment, oui. Vous comprenez ce que je dis, hein, parce que... Non, mais ça va, oui, il comprend ce que je dis, évidemment, il comprend ce que je dis. J'ai fait les FAP quand même, hein, ça va. Vous comprenez ce que je dis, hein. Oui, alors, vous en dites quoi? Excusez-moi, mais je rigole, mais je suis pas gentil, mais c'est tous ces poils, on n'est pas habitué. Mais c'est pas des poils, c'est de la fourrure, et j'espère que c'est de l'acrylique, hein. Je suis désolé. Ah si, j'ai compris les filles, j'ai compris. Il veut savoir d'où on vient. On vient de là-bas, vous voyez là-bas dans le ciel? La planète rouge, voilà. La planète rouge, ben, c'est nous. Mais on s'est dit, le rouge c'est tellement l'année dernière comme couleur. Alors bon, cap sur la planète bleue quoi. Chez vous, hein, vous comprenez? Et ouais, donc il l'a traîné dans les coulisses après l'avoir assommé un coup avec un gros coup de gourdin. Mais c'est normal en fait. Voilà, c'est ça les filles. Je sais bien, ça fait un choc, ça fait des années qu'on vous dit, depuis des années, que vous venez de Vénus. Eh ben non, vous venez de Mars. Et vous vous êtes écrasé chez nous. Enfin écrasé, disons que vous avez essayé de faire un créneau quoi. Mais bon, ce qui est miraculeux, c'est qu'on était sexuellement compatibles. Hein, parce que, un petit peu comme les ânes et les juments quoi. Ça fait pas mal de bourricots. Ouais. Non, mais attention, nous on a tout de suite compris, nous les hommes on a compris que attends, tout avait changé, hein, parce que vous étiez plus intelligente que nous, pouviez faire deux choses en même temps, pouviez lire une carte routière, ouais, ah, c'est vrai, c'est souvent pour ça d'ailleurs que les GPS c'est des voix de femmes. Et puis vous étiez tellement jolie, et puis vous étiez tellement sensible. À la flatterie. Oh non, mais non, nous les hommes, on a compris que les vacances étaient finies, tu penses? Avant, quand on rentrait de la chasse au mammouth, on se bourrait la gueule, on s'éclatait, on se pissait dessus. Avec vous, c'est devenu... Bonjour chérie, tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Ouais, bah tu... Oui, en fait, entre-temps, on avait appris à parler quand même. Hein. Oui, bah tu sais, la chasse au mammouth, c'est la chasse au mammouth. Hein. Il reste des crocs? Ouais, alors ma journée. On a creusé un trou, Grog s'est agité devant le mammouth a foncé sur Grog, on a lancé nos lances sur le mammouth est mort. Enfin, la routine, quoi. La routine, hein, c'est marrant parce que moi, j'étais en train d'épouiller Madame Grog au salon. Et voilà Tipa qu'elle me dit que Grog veut passer Sapiens Sapiens. Sapiens Sapiens, c'est quand même la promotion que tu voulais, ça, non? Hein? Tu voulais bien changer de branche, hein? Oui, non. Enfin, c'est-à-dire qu'en ce moment, au boulot, c'est hyper compliqué parce qu'il y a la restructuration, on passe du Jurassique au Quaternaire, tout ça. Ah non, je t'en prie, Gilles, hein. Arrête de noyer le saurien. Non, mais non, mais non, je ne vois pas le saurien, je ne vois pas le saurien, je... Ah, arrête de faire l'animal, hein. Ça suffit, hein. Ça suffit maintenant, Gilles. Alors voilà. Voilà, depuis entre nous, c'est hyper compliqué parce que vous restez essentiellement des martiennes. Et chez nous, il faut bien dire qu'il y a un sacré paquet de connards. Ah, si, si, c'est vrai. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui a été gaulé parce qu'il avait violé deux filles de 82 et 87 ans. Alors bon, à cet âge-là, vous vous dites, oui, bon, on va me voler mon sac. Oui, bon, on va m'écraser au feu rouge parce que je traverse à deux à l'heure. Mais bon, agressée sexuellement, elle prenait pas le RER à 2h du matin non plus, mémé, quoi. En même temps, le mec avait une excuse, il a dit « j'étais bourré ». Mais attends, mec, moi, quand je suis fracassé, je vais pas me taper une tournante à l'hospice des Hespérides, hein. Ah, mais faut changer les étiquettes sur les bouteilles, hein. C'est pas à boire avec modération qu'il faut mettre, c'est à boire avec discernement. Bon, en même temps, c'est pas pour le défendre, le mec, hein, mais... C'est vrai que les vieilles sont un peu chaudes du cul, quoi. Ah bah si ! Ah bah si ! Si, elles sont un peu aguicheuses. Bonne bah si ! Et vas-y que je remue du cul avec mon déambulateur. Oh, c'est dur. Oh, j'ai fait tomber ma canne. Oh là là, comme tu es maladroite, ma pauvre Marguerite. Et vas-y que j'ai tourné mon dentier avec ma grosse langue. Non, c'est vrai que les vieux sont obsédés du cul. Mais attendez, ma grand-mère, ma propre grand-mère, hein, qui jusqu'à l'âge de 99 ans se levait tous les matins à 5h pour aller traire les vaches en plein 9e arrondissement. Remarquez, elle a peut-être trouvé un filon avec tous les bobos bio qu'il y a maintenant dans le quartier. Et ben ma grand-mère, quand j'allais la voir à l'hospice, elle me disait toujours: regarde David, elle couche avec l'infirmier. Mais non, mamie. Mais c'est pas possible, ça, c'est Claire Chazal. C'est pas la réalité, c'est TF1. Hein, et puis même si l'infirmier voulait coucher avec elle, il s'électrocuterait. Enfin bah voilà quoi, ma grand-mère était retournée sur sa planète. Mais j'ai aussi croisé pas mal de descendants de Grog à l'hospice. Hein. Ouais. Non, en fait, je crois qu'il avait pas eu la promotion. Et je vois pas très bien l'intérêt finalement de prolonger la vie sans cesse comme ça, là, prolonger l'espérance de vie. Ah bah, ça fait que retarder le moment où vous saurez enfin qu'il y a rien après. Vous saviez qu'il y avait rien après. Oui. Oh merde, putain, tout le monde savait pas. Je suis désolé, la boulette. Ok, bon alors on déconne. Bon, imaginons tous ensemble que Dieu existe. Ok. Alors, vous le voyez comment vous, Dieu? Bah, vieux. Vieux, voilà. Bah oui, bah voilà, oui. La plupart des gens le voient comme ça, comme un vieillard avec une grosse barbe blanche. Immatériel. Un vieux, parce que vieux, ça oui. Expliquerait beaucoup de choses. Ah oui. À son âge, il doit avoir Alzheimer. C'est pour ça qu'il nous a oubliés, c'est pour ça qu'il n'intervient pas. Oh là là, je crois que j'ai fait une bêtise. Ou alors je suis assis sur un truc liquide. Papa, c'est moi, on est dimanche. C'est moi, papa, c'est ton fils, je t'ai amené des chocolats. Qui ça? J'ai un fils, moi? Bah oui, papa. Ah bon? Ah oui, Adam! Fais un poutou, Adam, fais un poutou. Non, l'autre. L'autre? Ah oui, Ève! Fais un poutou, Eve. Fais un poutou. Mais non, je sais bien que j'ai les cheveux longs, papa, mais quand même, merde. Jésus, papa, Jésus. Bon, écoute, ouais, rends-moi le chocolat. Rends-les-moi, pas de neurones, pas de Toblerone. Bon, je t'ai amené des papiers aussi, il faudrait que tu les signes, tu vois, c'est pour la propriété. Tu te rappelles la propriété, papa? Mais si, la propriété, la terre. Bon, c'est un peu laissé à l'abandon, hein. C'est n'importe quoi. Dans le jardin, il y a des génocides, des tsunamis, des dégâts des eaux. Ah voilà, faudrait que tu me signes un petit papier, d'accord? Je te donne le stylo. Voilà, tu signes là. Tu mets juste tes initiales, hein? D ou A ou comme tu veux. Ce que tu veux, voilà, tu signes juste là. Attends, je te tiens la main. Non, non, ne me touche pas. Beatnik, je te connais pas. Infirmière, infirmière. Non mais, même si c'est pas le cas, vous croyez vraiment que si une intelligence omnisciente existe quelque part dans l'univers, elle a le temps de s'occuper de vous? Je suis Omnidios, l'intelligence omnisciente de l'univers. Ma conscience cosmique s'étend sur des milliards et des milliards d'années. Ah oui. Ouais, salut ma poule, ça va? qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Un problème? Où ça? La Terre, encore? Et c'est quoi ce coup-ci? La grippe porcine, ben voyons. Mais j'ai pas que ça à foutre. Mais j'ai une supernova qui va péter dans la nébuleuse du Cygne, là. Eh ben, je sais pas, moi, vois avec du chemin. Voilà, en fait, c'est ça. Si Dieu existe, ça fait longtemps qu'il a refilé le dossier à quelqu'un d'autre. Un peu comme les conseillers bancaires. Dieu, au secours, sauve-nous! Ils sont en train de nous massacrer! Non, excusez-moi, c'est pas Dieu, là. Vous me voyez, je suis là-haut. Excusez-moi, c'est pas Dieu, c'est Monsieur Duchemin. Alors, je viens de reprendre le dossier, je suis pas très au fait de ce qui se passe. Ils sont en train de violer ma femme, et ma fille, et mon troupeau de chèvres. Au secours! Oui, évidemment, évidemment, évidemment. Ça a l'air compliqué, votre affaire. Écoutez, le mieux, ce serait de me faire un petit topo par mail, hein. M'envoyez ça par mail sur mon site, hein, pas de problème. On en reparle la semaine prochaine, ok? Par mail. Et finalement, c'est logique, parce que si on réfléchit bien, c'est Dieu qui a inventé le Wi-Fi. Ah oui, la prière, c'est sans fil. Ah, et sans filet, d'ailleurs. Et puis Dieu... Ah, ouais, bah oui. Et puis Dieu, il est un peu comme le Wi-Fi. Il est partout, et nulle part, et partout. Et puis un peu comme le Wi-Fi, Dieu, je me demande surtout s'il serait pas un petit peu dangereux pour la tête. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais, après tout, je suis qu'un homme. Bon, alors la suite du spectacle, c'est au théâtre Pandora tous les vendredis et samedis. Puisque tu parlais de la grippe, on m'a prévenu en début d'émission que Maurice, ici présent, a une réclamation. Voici la réclamation de Maurice. Maurice, on t'égoutte. Oui, ça on a tous reçu Roselyne. Je vous dirai pas. Oui, Roselyne, vous la connaissez tous. Oui. Elle nous a tous envoyé des masques qu'on porte tous là aujourd'hui à la radio. C'est oui. Malheureux qu'on ait là, alors, mets-le parce que quand même qu'on puisse voir si on t'entend quand tu as ton masque. J'espère qu'on a tous notre masque à la radio. Il y a une petite différence. Hein. Ah oui, on t'entend moins, Maurice. Ouais. On entend moins. Tu veux pas en mettre un deuxième? Mais j'aime bien. Merci. On ressemble à tout. Il veut du bien. Elle nous dit qu'avec les masques, on n'attrapera pas la grippe. Oui. Mais elle a oublié de nous envoyer les suppositoires qui sont beaucoup plus efficaces. Ah oui. Mais si on les mange, efficace, c'est quoi? Oui. C'est plus. Ça va plus directement, tu vois, dans le corps humain. Au niveau de la gorge. Alors, dans quelques instants, on va revenir vous voir, parce qu'il y a d'autres jeux et d'autres épreuves. Ah, oui. Et surtout, la prochaine tournée de blagues qui se prépare. Donc, restez avec nous. Retour en basse marée avec David Azencot dans quelques instants. Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. Retour, on va se marrer avec notre invité ce soir, David Azencot. Hey. Alors, dans l'émission, je sais que vous l'attendez avec impatience. Nous avons régulièrement la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, je suis toujours avec mes avocats et leurs témoins. Ouais. L'avocat, êtes-vous qualifié pour prélever l'urine? Êtes-vous qualifié pour répondre à des questions? C'est tout. Je n'ai rien compris. Alors moi, j'ai quelques anomalies dans les métiers. Ah bah ça, on savait que tu avais quelques anomalies. Bah, c'est les défauts de fabrication, là, je pense. Le plombier a pris la fuite en fumant un joint. Ce qui coûte le plus cher dans l'émission, en fait, c'est le montage pour rajouter les rires. Ne vous forcez pas. Hein. Non, on s'est pas forcé, là. Non, là, mais on rit là, pas. Là, c'est naturel. Le menuisier a attrapé la gueule de bois en abusant du buffet. Ah, ne te force pas, Bob. Le boucher s'est mordu la langue en taillant une bavette. Le boulanger s'est fait rouler dans la farine. Il est dans le pétrin. L'épicier a pris une amande en passant à l'orange. L'avocat s'est trouvé bec dans l'eau en défendant une cruche. Les brasseurs sont sous pression. Le bûcheron est resté sous le charme en écoutant du tronc. Les cheminots menacent d'occuper les locaux. Ils veulent conserver leur train de vie. Vas-y Maurice. C'est un concours. C'est une joute. Le cordonnier s'est fendu le cuir chevelu sur une route de lacets. Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre le jour. Le pharmacien a passé ses vacances sur le lac Satif. Il s'est emmerdé. Les pédicures travaillent d'arrache-pied pour de faibles revenus. Le bijoutier a lâché une perle dans une rivière de diamants. Les ambulanciers rue dans les brancards. Le sculpteur a coulé un bronze dans un moule à plâtre. On dirait la BBC quand même. Les pêcheurs haussent le ton. Le cuisinier fait sa sauce tartare très tôt le matin. Arrêtez, je pisse. Comme dirait Besson, il n'y a pas de quoi évacuer un camp de réfugiés. Alors à toi. À David maintenant. Alors, c'est toi, moi, David. J'en ai une un peu plus longue. Alors c'est un type qui rentre dans un chapiteau à la foire du trône et qui découvre le grand Dimitrios. Alors il est très heureux. Il dit: mais c'est quoi le grand Dimitrios? Il fait un exploit formidable apparemment. Il dit: oui, tout à fait, vous allez voir. Donc il rentre, il paye sa place et le grand Dimitrios rentre. C'est un grand type baraqué avec une peau de bête. Et en fait, il met des noisettes sur une petite table. Il sort son sexe et il casse les noisettes avec son sexe. Incroyable, formidable et tout. C'est incroyable comment il fait et tout ça. Et puis bon, les années passent. Donc le type, il a vu se marier, il a des enfants, tout ça. Et puis 45 ans après, il repasse à la foire du trône et il voit que le grand Dimitrios passe encore. Alors il dit à sa femme: mais c'est incroyable, je l'ai vu il y a 45 ans ici même. Il est encore vivant, il est encore dans le showbiz. Tu vas voir, c'est formidable. Il casse les noisettes avec sa... Enfin bref, viens voir avec moi. Il rentre et là... il voit sur la table des noix de coco. Et le grand Dimitrios, qui est tout chez nu, il arrive avec son déambulateur et tout, et il arrive jusqu'à la table et il sort son sexe et il casse les noix de coco. Alors, la foule est en délire et tout. Et le type va le voir après dans les coulisses, il fait: excusez-moi, mais c'est incroyable, il y a 45 ans, je vous ai vu, vous cassiez des noisettes, et maintenant, 45 ans plus tard, vous êtes quand même âgé, vous cassez des noix de coco, c'est incroyable. Et le grand Dimitrios fait: ouais, mais bon, j'ai la vue qui baisse. Non. Alors, la petite mignonne de Gégé. Qu'est-ce qu'un squelette sur une plage avec des petites peaux de boue, des petits bouts de peau autour? Un squelette avec des petits peaux de boue. Des petits bouts de peau. Un malien qui pèle. Oh, oh juste non, une autre parce que c'est oh très non, cool. Oh non. Et comment se nomme la femelle du hamster? Ah, on sait pas. Amsterdam. Bah voilà. Ouais, oh hey, c'est gagné. Alors ces deux copains. C'est bon, non David, c'est bon, t'es aussi con que nous. Alors ces deux copains qui discutent dans un bar. Ah, salut Fabrice, salut. Vendredi, j'étais en train de me balader le long de la voie ferrée là et quand je suis tombé sur une nana super. Alors un corps de rêve, je te dis pas la nana, une gonzesse mon Dieu. Alors je l'ai ramenée chez moi. On a fait l'amour toute la nuit. Qu'est-ce que je te dis toute la nuit? Tout le week-end. Ah bon, bah cool alors. J'espère qu'elle t'a bien sucé. Ah non, ça, non, elle m'a pas sucé parce que, pour tout te dire, j'ai pas retrouvé la tête sur les rails. Oh, ah, oh là là. Oh là là. Non, Alors, je crois que nous avons un quiz. What is it, the quiz? Alors, le quiz chaque de Fred. Chaque semaine, je vous prépare des petits quiz où il faut reconnaître des choses. Alors, on a eu des acteurs qui chantaient. On a eu la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait les Beatles qui étaient chantés par des chanteurs français. Cette semaine, c'est un peu plus simple. Il va falloir reconnaître des animateurs télé. Animateurs, animatrices. Quand je dis c'est plus simple, c'est pas forcément plus simple. Toutes chaînes confondues. Voilà, donc David a un handicap parce qu'il a pas la télé. Ah, oui. Ah, c'est sympa le quiz que tu avais fait aussi sur, sur ceux qui étaient au Parti Socialiste, pour ou contre Martine Aubry. Ah oui. On n'avait pas trouvé un seul qui était pour. Voilà. Ah. Alors, papier, crayon, tout le monde. Non, mais on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8. Il y en a 8 à découvrir. Et je rappelle à Bob, que la petite musique qu'il y a au début n'est pas un animateur, c'est le jingle. Merci. Bravo. Je ne me suis pas levé un matin avec une voix divine qui m'aurait dit « tu vas aller défendre les gens ». Pas du tout, j'aurais pu partir dans complètement autre chose. Claude, il y a quand même quelque chose d'important quand on parle de chapiteaux en cette saison, c'est ce que vous demandent vos fans qui sont là présentes dans le studio. Elles m'ont dit « est-ce que ce sera bien chauffé ce chapiteau ?» Qu'est-ce qu'elle a notre Miss? Elle se fâche là-bas, une Miss proteste, elle dit que pourtant pour la première fois c'est le public qui vote, c'est personne d'autre. Miss Réunion, par conséquent, deuxième dauphine. Venez les adopter, nous comptons sur vous. Pour toute information, appelez-le 01 43 80 99 22. Ou alors, connectez-vous sur le site internet. Attendez, chut, s'il vous plaît, excusez-moi, je suis la personne ici qui dirige les débats. Celui qui ne joue pas le jeu, on ne peut pas discuter. Si c'est pour avoir des émeutes dans le public, on arrête immédiatement. Eh oui, et tous sur la une. Vous avez peut-être ri et pleuré au cinéma en voyant les uns et les autres de Claude Lelouch, mais vous n'avez sûrement pas encore vu la série télévisée en 5 épisodes qui a été tournée en même temps que le film et qui va être diffusée à partir d'aujourd'hui. Si vous aimez les films policiers, les James Bond ou à la manière de James Bond, agent secret fort célèbre, eh bien je vous conseille de regarder Coup de Maître au service de Sa Majesté britannique. Maris, regardez bien ceci. Qu'est-ce que vous voyez ? Il y en a des faciles, mais il y en a qui sont pas faciles. Alors maintenant que vous avez joué chez vous, vous allez pouvoir vous entretuer pour savoir si vous avez trouvé les bonnes réponses. Mais malheureusement, radio impose, pub, disque, tout le tralala. Ah, c'est pas tout de suite les réponses. Non. Oh oh, allez, on revient dans quelques instants avec David Azencott. Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. Hey, hey, hey, hey, hey. Oh, quelle ambiance! On va se marrer, le retour avec nous David Azencott. Ouais, ouais, merci. Alors, avant la pause, tout à l'heure, Frédéric nous a fait son petit quiz de la semaine. Je suis sûr que vous en avez retrouvé plein chez vous, autour de la table aussi. Alors, c'est parti pour le quiz. Oui. Ça, c'est le jingle. Oui. Bob ? Musique de Michel Berger. Non, si, il faut quand même que je dise ce que c'est, ça. Oui, non, ça, je ne sais pas non plus. Bah, c'est le jingle. C'est le jingle. Ah, il va te le dire. Ah, ça, c'est le jingle. Oh là là là là. Ah bon ? Je ne me suis pas levé un matin avec une voix divine qui m'aurait dit « tu vas aller défendre les gens ». Pas du tout, j'aurais pu partir dans complètement autre chose. C'est extraordinaire. Alors, cette voix me dit quelque chose. Courbet. Julien Courbet. Ah oui. Ah oui. C'est quand même quelque chose d'important quand on parle de chapiteaux en cette saison. Dania Gilbert. Qui sont là présentes dans le studio. Elles m'ont dit « est-ce que ce sera bien chauffé ce chapiteau ?» Dans midi première, alors si vous avez 72 ans, vous vous en rappelez forcément. Ça, c'est Guilux. Une Miss proteste, elle dit que pourtant, pour la première fois, c'est le public qui vote. Ah oui, c'était à l'époque des Miss France où ils s'étaient foutus dedans. Avec c'était la première fois que les Miss France passaient à la télé, l'émission, et où le public votait. Et le mec qui est... C'était en, allez voir sur YouTube, vous tapez Guilux Miss France, c'est à pisser de rire. Le mec, sympa, en fait, c'était drôle. Le standard d'Europe 1. Donc, c'était un mec de chez Europe 1 qui devait comptabiliser les votes. Et le problème, c'est que le mec avait un problème psychomoteur. C'est qu'il n'arrivait pas à comprendre que la cinquième, celle qui est arrivée en cinquième, c'était la quatrième dauphine. Ah oui, puisque la première c'était Miss France, la deuxième c'était la première dauphine. Ouais. Et le mec, il s'est emmêlé les pinceaux dans ses calculs. Et c'est la quatrième. La quatrième, c'est la troisième dauphine. Non, attendez, c'est elle qui est arrivée cinquième. Et le Guy Lux qui s'énerve sur le plateau. Et il est devenu ministre avec des Finances ou Giscard, je crois d'ailleurs. Mais David, tu parlais des émissions des années 70 qui étaient fabuleux. Il y en a encore, mais effectivement, on les voit sur Internet. C'était les émissions de Guy Lux où il inventait des jeux toutes les semaines, où il était le seul à comprendre en fait les jeux qu'il inventait. Et moi, je dis que c'est nous qui avons récupéré son fils spirituel qui nous invente toujours des jeux à la con que personne ne comprend. Oui, non, merde. Il s'appelle Philippe Pélo. Alors, donc, Guy Lux. Bon, Simone envoie la sauce. Personne d'autre. Miss Réunion, par conséquent, deuxième dauphine. Venez les adopter. Nous comptons sur Jean-Pierre. Toute information, appelez le 01. La pub pour la SPA. 80. Ils ont des chiens aussi. 22. Ou alors, connectez-vous sur le site internet. Puisque vous parlez de la SPA. S'il vous plaît. Oui, Bob. Vous savez, vous avez entendu les informations sur l'SPA. Oui. Il faut savoir, il y a 250 SPA en France. Oui. Qui portent le même nom et qui sont des sociétés différentes. Des assos différentes. Des assos différentes. Des assos différentes. Mais il n'y en a pas une qui chapeaute le tout ? Non, pas du tout. C'est moi, je pensais. Non, mais c'est pas des, toutes des sociétés protectrices des animaux. Si. Non, parce que toi, tu as une SPA chez toi. C'est la société protectrice des andouilles. Merci, Fred. Excusez-moi, je suis... La personne ici qui dirige les débats, celui qui ne joue pas le jeu, on ne peut pas discuter. De Chavannes. Ah, c'est voilà, de Chavannes. Ah, oui, j'ai pas reconnu du c'était, tout. Bah, c'était il y a 20 ans, c'était Ciel-Mont-Mardi, un débat Mont-Mardi. Sur l'extrême droite. Ouais. Où il y en a plusieurs dans le public qui s'en sont pris dans la gueule, des extrêmes droites d'ailleurs. Ah oui, moi aussi. Ça s'était battu sur le. Ah oui, oui. Ça s'était bastonné sur le plateau. Parce que j'aimais bien aussi, c'était les débats avec sur les extraterrestres. Avec tous les cons qui croient qu'il y en a. Ah, avec les noms, avec les mecs de. Attention, je crois aux extraterrestres. Mais Bob aussi. Oui, Bob aussi. Non, mais c'est pour moi qui. Je ne crois pas que le Maurice est l'extraterrestre. Il y avait la secte de Roswell. Maurice, c'est l'extraterrestre de Roswell. Qui a été opéré. Il y avait la secte Ohm qui était venue. Ah oui, Ohm. C'était tous des mecs du CNRS. Ils croyaient en Ohm et ils croyaient en Gilbert Bourdin à Castellane. Il y a Jimmy Guilleux qui était venu. Ouais, mais Jimmy Guilleux était plus rigolo quand même. Oui, oui. Les mecs de Home, ils étaient vraiment pas rigolos. Il y a Dave aussi qui était. Mais oui, parce que lui aussi, il aime bien les Homes. Des émeutes dans le public, on arrête immédiatement. Eh oui, et tous sur la une. Vous avez alors, peut-être ça, vu cette question au cinéma en voyant les uns et les autres de Claude Lelouch. J'ai reconnu sa voix. Sûrement pas encore. Oui, elle a provoqué mes premiers émois sexuels. Ah non, en fait, c'est pas elle du tout, non. Non, c'est Fabienne Egal. Ça, c'est qu'une speakerine. Oui, c'est Fabienne Egal. Elle faisait tourner manège avec Olivier Leclerc. Et Simone Garnier. Fabienne Pintade. Voilà. Quand même une la série Pintade. Télévisée en 5 épisodes, qui a été tournée en même temps que mais le film et qui va être diffusée à partir d'aujourd'hui. Si vous aimez les films policiers, Michel Drucker, James Bond ou à la manière de James Bond, agent secret. C'est marrant, c'est Michel Drucker. Ouais, moi, j'ai eu un blocage, j'ai dit Bernard. Je pense aussi que c'est Drucker. Oui, c'est Michel Drucker dans les années 80. Ah, j'ai pas. Et alors, écoutez bien le dernier, après Drucker. Eh bien, je vous conseille de regarder Coup de maître au service de Sa Majesté britannique. Mais je la connais, j'arrive pas. Regardez bien ceci. Ça, c'est en sketch. Ce que vous voyez. Je sais pas. Qui c'est qui peut dire. Alors, Maryse, regardez bien. Ah, Philippe Gildas. C'est Gildas, oui. Ben non. Bruno Carré. Qui était sur Europe numéro 1 pendant des années et qui doit avoir 100 ans. Qui c'est qu'il y avait maintenant. Une Maryse à qui il montrait des objets ? Belmar ! Eh ben c'est pas non, Pierre c'est Belmar. C'est pas la voix de Belmar. Ça. Non ! C'est Jacques Martin qui imite Pierre Belmar. Oh là là, il imite Belmar ! Il imite très mal ! Alors ça, hein. Oui, c'était dans Un siphon fonfon. Ça sera payé. Et c'était Virginie Lemoine qui faisait Maryse. Ah d'accord. C'était horrible, Un siphon fonfon. Oui, mais ça a permis... Alors. Quel rapport entre Un siphon fonfon et un autre animateur qui était dans ce quiz ? Julien Courbet. Eh oui, ouais, Julien Courbet qui a démarré comme comédien dans Un siphon fonfon. Tout et bien, heureusement qu'il avait arrêté. Il y avait Laurent Ruquier aussi. Il y avait Laurent Ruquier. Tout Laurent Gérard. Le best-of du mauvais. Et il y avait, et nous, on a récupéré à On va se marrer une des voix de Un siphon fonfon. Ramad. Ah oui, on a c'est récupéré moi. Jacques Ramad. Voilà. Il lui manque plus que la petite moulinette. Et, tu fermes les yeux, on te dit que c'est Jacques Ramad, Maurice Parle, vois, tu crois. Dieu existe, il est ressuscité. Oui, vas-y, on fait un test, Maurice, tu dis « Je suis Jacques Ramad ». Je suis Jacques Ramad. Et Jacques Ramad était déjà mourant, non ça. Ouais, genre, qu'il Ramad, est pas il était complètement coulant et tout. Ouais, il n'est pas meilleur état. Alors, dans l'émission, il y a un deuxième jeu que vous appréciez. Ah oui. C'est le jeu... de l'attaché de presse. De l'attaché de presse. Le jeu de quoi? L'attaché de presse. Ah ben c'est Maurice qui commence. J'ai vu une émission où on a dit qu'on pouvait pas faire plusieurs choses en même temps. Alors moi je suis désolé, je peux pas présenter l'émission et appuyer sur les boutons. Mais quels boutons? Alors, attaché de presse, c'est facile. C'est non, tu as dit l'attaché de presse. C'est quoi le principe? Ce qui le est principe dit est dit. L'attaché de presse de quelqu'un, il faut faire la promotion. La promotion. Faire la promotion. Donc, j'ai sur des petits bouts de papier noté des noms. Voilà, des personnalités au hasard. Voilà. Le but du jeu, c'est de faire trouver à son équipe le nom de la personne qu'on représente. C'est très original. Mais c'est pas lié à un mot. Non, vraiment, c'est très original. Tiens, bon, Gérard, prends-en une au hasard. Au hasard. Alors là, par contre, tout le monde peut parler. Il y a pas de. Regarde pas. Ah non, il faut pas tricher, surtout pas. Alors, Gérard, on t'écoute. Pour l'attaché de presse, c'est parti. Évidemment, t'as pas le droit de. Pour beaucoup de gens, non, mais à mes yeux, c'était quand même une hypocrite et une salope. Donc, elle est morte. Que Dalida. Oh non, ah non, la arrête. Pauvre. C'est sa mère. C'était une hypocrite et une salope. Brigitte Bardot. Ah oui, bien sûr, tu la vends pas très elle bien. Elle était anglaise. Elle était anglaise. C'est Margaret Thatcher. D'abord, elle vit toujours. Non, ben, elle vit pas vraiment. Elle est dans l'équipe d'en face. Elle a réussi à se faire épouser par un prince royal. Oh, Lady Di. Oh, oui. Je vais vous parler de Lady Di. Quel truc vulgaire qu'attend. Ah oui, donc vous avez vu ce bouquin. Non, mais c'est complètement gâteux, ma femme. C'est un roman. Giscard, il bande des cheveux, c'est pas possible. Non, mais, pas possible. Non, mais il a dit que c'était un roman. Il s'était déjà tapé des négresses quand il était président en rentrant dans une poubelle. La femme de Bocassin. Est-ce que tu peux la refaire, mais sans la vérité. Il y a deux, trois mots que excusez-moi, non, Gérard. J'aimerais. Non, s'il vous plaît. J'aimerais proposer à Philippe un changement de nom pour cette émission. Oui. Est-ce que on pourrait maintenant l'appeler « Va y avoir du montage ». Toi, tu vas la refaire. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux la refaire sans le mot « négresse » Est-ce que tu penses qu'il s'est fait la femme de Bocassin? Non, non. Je sais qu'il s'est tapé une blague par l'intermédiaire de l'eau des négresses. C'était bien parti. Il s'est bien parti, mais il peut pas. Mais attends, mais je connais l'histoire par cœur. Il connaissait mes Pékinois. Giscard, avec ce livre sur les Didi, il va droit dans le mur. Non, mais ce qu'il faut, c'est quand même lire le livre jusqu'à la fin. Oui. En fait, il se l'est tapé. Oui. Récemment, dans son. Oh non, non, Alors, que tu me dises qu'il se soit tapé. Non, ça suffit, j'ai dit. Bon, alors Maurice, non, notre deuxième attaché de presse de la soirée. Ah. On la considère comme une star, mais pour moi, non. C'est très mauvais attaché de presse. Quel attaché de presse, Oui, c'est ça. Oui. C'est une chanteuse. C'est normalement. Oui. Non, mais tu dois continuer à la vendre quand même. Oui, c'est Vartan. Bon. Non. Elle chante, tout le monde trouve qu'elle chante bien, mais Carla Bruni. Non. Céline Dion. Non. Lara Fabian. Mais attends, t'es son attaché de presse, tu vas la défendre. Laisse-lui, j'aime pas. Laisse-lui le temps Même si tu l'aimes pas, t'es ton. Elle te paye, connasse. Bah oui. Elle a fait de grands spectacles. Mylène Farmer. Voilà. C'est une grande artiste. Je peux pas vous laisser dire ça. Tout à l'heure, dans son sketch, David disait, quand il faisait la fille, il disait j'ai fait les FAP. Oui. Les FAP. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que les FAP. C'est l'école française des attachés de presse. Ah, bah alors on va vérifier si tu as eu ton diplôme. Allez, hop, c'est parti. Si tu lâches. Alors, elle n'a pas fait les FAP, cette école formidable qui forme des générations de dindes tous les ans. Non, d'ailleurs, elle n'a pas tout à fait le type, en fait, des attachés de presse de les FAP. Et elle a un type un peu exotique et je sais que ça plaît aux gens. Enfin, en tout cas, elle l'avait, puisque maintenant, elle est un petit peu flétrie, je pense. Alors, ah, c'est probablement un vieux pruneau, mais elle a eu sa petite heure de gloire. Non, attaché de presse. Elle a eu sa petite heure de gloire dans un grand concours, je crois bien, qu'on appelle... Marie-Myriam. Bravo. Bravo. Et alors, vous avez quand même une chance folle que je sache qui c'est, quoi. Nous allons avoir donc maintenant l'attaché... Bob. Ah oui, Bob attaché de presse. Bob attaché de presse, vous allez pouvoir constater que les FAP a du retard. George Fraîche. Alors celle-là, je la connais, c'est de la Jus du Pot. Donc c'est excellente, speakerine, on va dire. Ah. Denise Fabre. Excellent. Moi, elle me faisait rigoler. avec il y a un truc. Moi, elle m'excitait à mort. Et en fait, en jouant les idiotes, c'était peut-être une des moins idiotes mais des speakerines de l'époque. Elle t'excitait, mais c'était la perspective qu'à mettre les dents. Alors, elle était jolie quand même. Hein. Excusez-moi, elle était pas mal. À toi, alors. Fred. Ouais, alors, c'est Frédéric Coster qui va donc faire l'attaché de presse du personnage qu'il a choisi. J'aime bien ce qu'il a choisi. Quel dernier. Alors, je ne connais pas cette dame. Ah, embêtant. Ah oui, il y a une faute d'orthographe. Il y a une faute d'orthographe dans le prénom. Mais c'est pas grave. Alors je vais demander, si je veux que nous marquons le point, je vais demander à mes camarades de jeu d'aller vite. C'est un ancien président de la République française. Giscard d'Estaing. Voilà. Je vous dis d'aller vite, les mecs, merde. Je vous disais que c'était pas possible, ça c'est. Et donc, je signale pour Philippe Bello que Valérie, quand c'est un homme, c'est un Y et pas IE. Mais t'aurais pu dire que c'était Giscard, il se met pas une perruque, des barésilles et des boucles d'oreilles pour aller dans le bois de Boulogne. Enfin, que je sache, lui. Alors, ce qui nous permet de faire un point quand même. Ah, mais on gagne des points, j'avais pas compris. Oui, bah, y a deux équipes. Ah non, mais je croyais qu'on avait arrêté. Alors, bah non, enfin, là, le jeu. Je me pressais pas, c'est tranquille. Avec VG. Tu bouffes gratuit. Voilà. Ah. Alors, l'équipe de Maurice et Bob du club, l'équipe Alzheimer, deux points quand même. Ah, bravo. Depuis le début de l'émission, c'est pas mal. Et nous, 9. Oui. Alors, je vous rappelle quand même que Bob a horreur de perdre. Donc, là, à l'heure qu'il est, il bouillonne. Et l'équipe des Anus a 10 points. Ouais. Bon, j'ai décidé. C'est toujours dit de te mettre avec moi. Vous êtes des mauvais sujets d'abord. Donc, je vous propose. De te mettre dans mon équipe, moi je gagne tout le temps. Bah oui, je vous propose une chose intéressante. Je crois que Philippe essaye de nous dire quelque chose. Oui, c'est de faire une petite pause. Oui, on le temps, voilà. Bah, et de revenir pour la dernière partie de l'émission. Si. Avec un nouvel extrait du spectacle de David Azencot ici présent. Restez avec nous. Il en demandait pas tant. Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. Ouais. Retour, on va se marrer. Ouais. Avec toute l'équipe et notre invité ce soir, David Azencot. Ouais. Ouais. Alors ce que j'aimerais. J'imagine que tu as un Facebook. Tout à fait. Voilà, bah, je me suis inscrit tout à l'heure, donc je voulais être sûr que ce soit le bon. Ouais. Et je pense que sur ton Facebook, ce qui manque, c'est quand même une bande-annonce pour ton spectacle. Alors, en fait, quand tu vas à la gauche de Facebook, il y a des vidéos. Oui, mais ça, les vidéos, c'est bien. Ouais. Mais une bande-annonce audio, parce que les gens, des fois, ne peuvent pas toujours regarder les vidéos. Ah. Et je pense qu'un petit spot audio de publicité pour ton spectacle... Tu l'as fait ? Non, pas du tout. J'ai demandé à Maurice, au hasard. J'ai entouré un argument, Maurice. Donc un argument. Donc je vais lancer la pub et tu vas donc faire l'argument pour. Mais il faut que ce soit Maurice, il faut que ça soit vendeur. Ah, s'il est aussi bon attaché de presse ouais. que pour que publicitaire. Alors Maurice, est-ce que tu es prêt? Bien Farmer. Oui, mais tu aurais pu faire un peu plus gros quand même. Oui, ah bah attends, c'est pas vrai que c'est alors, Maurice petit. Préfère quand c'est plus gros. Voilà. C'est alors petit. Attention, c'est tournage du spot David Azencot première. Aujourd'hui dans votre ville. De l'humour, de la culture et du sexe. Non, Maurice, non. Ça non. donne envie d'y aller. Non, attends. Non, il faut. L'humour, c'est de l'humour avec un truc un peu. Ah, bah si, un peu joyeux. Ça fait folle. Mais pas du tout. Et le sexe. Et le sexe, il faut. Qu'est-ce que tu nous fais de l'humour? Voilà. Et le sexe, il faut que ce soit un peu plus sexe. Du sexe. Et du sexe. Et tu rajoutes un petit. T'as l'habitude avec tes routiers. Mais si, et si. Voilà, comme un mec qui vend un cirque, là. Voilà. Aujourd'hui, dans votre ville, de la culture, de l'humour et du sexe. Comme ça. T'es prêt, Maurice? À l'entracte, on épile le chien. À vous les Esquimaux. Bon allez, on y va. Tu vas faire alors. Tu lances un peu Maurice. David Azencot Facebook, deuxième. Dazenkov, il s'appelle. Oui, non, c'est fait exprès. Hein. Vas-y, Maurice. Alors, Miros. Alors, aujourd'hui, dans votre ville, vous aurez de l'humour, de la culture et, de la et du sexe. Sont morts de rire autour de moi. On y croit. Hein. David a... C'est compliqué. Là, ouais. Je comprends pourquoi les salauds. Azenkov. Azenkov. Piquez-la. Bon, on l'appellera David tout David. Court. Pourquoi tout court? Non, non, parce qu'on va croire que c'est le mari de Claire tout court qu'on a déjà eu dans l'émission. Non, non, David, mais tu dis très bien son nom. Je veux pas me fâcher avec lui. Ah oui. Hein? Ça serait dommage. Bah, c'est raté. Non, non, non. Bon, j'ai perdu. Bon, David est ce que l'humanité a au produit de mieux depuis. Et c'est encore. Et c'est encore. Même joueur, rejoint. La phrase, c'était. C'est important. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est toujours en fin d'émission qu'on fait fête. Le problème, c'est qu'il a appris à lire avec la méthode globale. Voilà. Donc il n'arrive pas à remettre les mots dans le bon sens. Et tu sais que tu ne peux pas la renvoyer avant 75 ans maintenant. Oui, je sais, mais je sais, on est emmerdé là. Oh là bon, là. Alors, c'est pas grave. Comme tu dis, coûte très cher. C'est un naufrage. Tu as pas dit la dernière phrase. Non, j'ai pas dit. Désormais. Oui, ah, tu l'as pas dit, ah, Maurice. Il a pas dit ça. Désormais. J'ai oublié la dernière phrase. Désormais. Désormais, il va vous prouver que le progrès recule. Ben oui. Bon. Comment veux-tu, alors, veux-tu? Comment veux-tu? Voilà. Voilà. Merci Maurice. Bravo. Merci, bravo. Hey, bon, je sais pas si ça te fera venir du monde cette pub, mais nous on a bien rigolé. Moi aussi. Dans la phrase disait en fait David Azincote, est-ce que l'humanité a inventé de mieux depuis le gaullisme? Voilà. Ah bah voilà. C'est un humour un peu rétro. Voilà. Ouais. La vieillesse, c'est un naufrage. Non, non, mais tu connais le proverbe. Dites du bien, dites du mal, mais parlez de moi. Exactement. On va faire comme si on était une fois de plus au théâtre Pandora. C'est un nouvel extrait du spectacle de David Azincote. Ouais, ouais. Bravo. Merci, merci. Merci, merci, merci. Alors, vous savez que je suis obligé de vous parler un peu de moi, hein, parce que dans le stand-up, dans le milieu du one-man, on est obligé de parler de nous, hein, c'est syndical en fait, on est obligé d'en passer par là. Sinon, on a des c'est problèmes. Contrat, hein. Ah, bah, on a des problèmes avec la FUC, la Fédération Unitaire des Comiques. Ah, on doit parler au moins 5 minutes de nous, hein, c'est comme ça. Parce que sinon, après, les gens savent pas exactement qui on est, alors ils osent pas rigoler, ils sentent pas bien parce qu'il y a tellement de comiques, tout ça. Alors voilà, donc on parle de nous, hein, voilà. Donc moi par exemple, je sais que j'ai l'air assez pâle, souvent les gens pensent que je suis atteint d'une maladie incurable parce que j'ai des cernes, tout ça, alors en fait je vais très très très bien, très très bien, je suis pas contagieux en tout cas, pas que je sache, hein, voilà. Et bon, quand je dis qu'on peut parler de nous 5 minutes, on peut dépasser un petit peu, hein. Par exemple notre maître à tous en one man show, Nicolas Sarkozy, lui il éclate les statistiques, hein, pépère, ah, il est content. Donc voilà, donc moi je vais bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de moi? Je suis un petit peu. Bah, souvent les gens me disent, oui David, t'es un petit peu mystérieux. On sait pas grand-chose de toi. Tu dis pas grand-chose. Est-ce que t'as des perversions? Alors oui, évidemment, comme tout le monde, j'ai des perversions. Hein. Mais bon, je fais pas partie des gens, par exemple, qui mettent de la nourriture sur leur partenaire de jeu, parce que j'ai toujours trouvé ça, je sais pas, incongru, quoi. Tartiner de Nutella, de beurre ou de confiture, ma camarade m'a toujours semblé bizarre, je sais pas. Ne serait-ce que parce qu'une fois sur deux, elle retombe du mauvais côté. Alors non, c'est pas trop mon truc, non. Non, par contre, évidemment, j'ai un jardin secret, hein, comme tout le monde, un jardin secret 100% bio, où je cultive des légumes formidables et des rêves. Mais bon, je sais pas. Pourquoi je vous en parlerai? Parce qu'on se connaît pas bien non plus, hein, donc voilà. Non mais c'est bon, ça va, n'insistez pas non plus. Hein. C'est bon ce besoin de tout savoir sur les gens, là, la pipolisation tout le temps. Là. Et ça a commencé depuis longtemps, parce que déjà quand j'étais tout petit, il y avait une prof, tous les ans en début d'année, elle voulait savoir ce que faisaient mes parents. Mes parents, eh ben, elles font de l'argent pour m'acheter des cadeaux. Oui, parce que faut que je rentre un peu dans les détails. En fait, faut vous dire que mon père était député RPR. On peut le dire maintenant, il y a prescription. Hein. Et ma mère était fausse électrice. Ah, mariage d'amour. Hein. Mariage d'amour. Non, et beau métier, ça, député RPR, quand même. Hein. Belle situation. Hein. Mes parents ont fait d'excellents choix de carrière. Hein. On peut pas en dire autant de leurs enfants, malheureusement. Hein. Non, parce que ma sœur est devenue pédogériatre. Alors oui, non, en fait, non, ça veut dire pédiatre, mais pour les vieux. Hein, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de leur décroissance, en fait. Hein. Et puis, bah, mon frère est devenu cobaye. Cobaye, ouais. Non, non, non, pas dans un labo pharmaceutique, non, non, non, dans une roue. Oui, comme l'hamster, il passe son temps à courir, il a toujours été super sportif, mon frère. Et puis moi, bon, bah moi, puisqu'il faut bien que je parle un peu de moi quand même... Moi, dans une première vie, j'ai fait un très très mauvais choix de carrière. Oui. Comme le montrent les tatouages que j'ai sur les phalanges, j'étais dans la pub, quoi. Voilà, j'ai passé 8 ans à l'intérieur, quoi. 8 ans, j'en ai bavé. Hein. Vous voyez les tatouages sur mes phalanges, il y a marqué HSBC et anal. Non, pardon, canal, parce que j'ai pas compté le C qu'il y avait sur le pouce, excusez-moi. Non, mais ça va, hein. Regardez pas comme ça, hein. Non mais c'est bon, ça va, je vois bien vos gueules là. Vous dites, ouais, il a fait de la pub, encore un drogué. Alors je vous arrête tout de suite. Hein. Il y a de la drogue dans la publicité, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ouais. Mauvais karma, quoi, mauvais karma. Vous savez, le karma, c'est une bonne action pour une mauvaise. Et ben voilà, moi dans la pub, c'était ça. Parce que dans la pub, en des années, j'ai fait des pubs pour les 4x4. Et ben ça m'a amené directement à la campagne Save the Planet. Save the Planet, vous vous rappelez pas? C'est moi qui avais fait le slogan, c'était génial. Vous vous rappelez pas le slogan? Non. C'était le CO2, c'est I2. Ah, c'est génial, attends, j'ai posé à côté d'Al Gore et tout ça. Alors ce genre de campagne, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de publicitaire une grande cause. Grande cause. Parce que vous voyez que dans la publicité normale, c'est pas qu'on vous mente, c'est qu'on vous dit pas exactement toute la vérité. Sauf pour les grandes causes. Alors là, on vous dit tout pour les grandes causes, on vous dit tout. On vous dit fumer-tu, boire-tu, rouler trop vite-tu, frapper sa femme-tu, surtout sa femme, fumer-tu, boire-tu, rouler-tu, frapper-tu. Ouais, c'est presque une chanson, là, on pourrait la chanter. Là. Fumer-tu, boire-tu, rouler-tu, frapper-tu, fumer-tu, boire-tu, rouler-tu, frapper-tu. Merci. Alors je vends le CD en fait à la sortie du spectacle, c'est important de le savoir. Hein, voilà. Alors bah, prenons justement l'exemple de la campagne Dauphin mon copain. Alors oui, non, ne ris pas, c'est une campagne pour la préservation des poissons. Alors oui, évidemment vous allez me dire, oui le dauphin n'est pas un poisson, oui c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est de la pub, alors il faut être direct, faut résumer très vite, hein. Si c'est un truc dans l'eau, c'est un poisson, voilà. Par exemple, Alain Bernard, 2m40, des nageoires grosses comme ma tête, c'est un poisson. Voilà. Alors donc, bah d'abord, pour faire la campagne, il faut un visuel. Alors le visuel, ça peut être par exemple un dauphin mort. Voilà. C'est un peu triste, mais bon, c'est aussi de l'émotion, la publicité, il faut le savoir. Ou alors un dauphin mort dans une assiette. Avec un couteau et tout. C'est ce qu'on appelle un saut créatif dans notre jargon. Alors en dessous de l'image, vous avez la baseline, qui ne veut pas dire que vous allez être baisé sur toute la ligne. Encore que, un petit peu quand même. Alors c'est le slogan en fait, c'est l'accroche en français. Hein. Alors ça peut être par exemple, arrêtons de verser dedans. Alors gros silence, vous ne comprenez pas, c'est normal, hein, c'est de la pub. C'est parce qu'il faut lire en dessous le descriptif, hein, le petit paragraphe qui explique un petit peu la campagne, qui dit « Si dans 20 ans on continue de verser dedans la mer des produits qui polluent, il n'y aura plus de poissons dedans dans la mer. » Alors, arrêtons de verser dedans. Eh oui. Et c'est signé par le client. Hein, qui est le CCVD, le comité contre le verser dedans. Alors, vous l'avez compris, bien sûr, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert absolument à rien, mais ça fait de mal à personne. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais vu... enfin, oui, pour vous préciser, en fait, il faut dire qu'en fait, la grande cause est en général... certes, elle ne sert à rien, mais elle est en général sponsorisée par une grosse multinationale nocive, mais pas dans ce domaine-là. Hein. Ah oui, parce qu'on n'a jamais vu, par exemple, un fabricant de yaourt aux fruits dégazer ses stocks au large. Oh non, mon Dieu, une marée blanche. Oh non, les mouettes sont pleines de yop. Oh, c'est horrible. Elles ne peuvent plus s'envoler, elles sont toutes engluées. Va me chercher les grosses cuillères. Voilà, bah oui, non mais c'est vrai. Alors voilà, les grandes causes, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est sympa quand même. Hein. Et puis voilà, bon, j'ai pas envie d'aller un peu plus loin, parce que le mieux, ce serait de venir me voir à mon spectacle, en fait. Hein. Si vous voulez savoir la suite, au Pandora, rue Keller. David Azencot au Théâtre Pandora, le site internet. davidazencot.fr, AZENCOT. Qu'on se le dise, Maurice. C'est important, hein. Sûr. Et on y va comment, Maurice, au site internet? On y va en métro et on descend à Bastille et on va rue Keller. Donc, puisque David nous a fait rire, je pense qu'il mériterait qu'on le fasse rire aussi un peu avec la dernière tournée de blagues de la soirée. Oh, oui. Ah bah oui, la dernière tournée. Oh oui. Je commence. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Tu voulais commencer, Maurice, je crois. Bah oui. Quelle est la chose la plus rapide au monde? L'anglais dit, moi je dirais que c'est la pensée, puisque la pensée est immédiate. Le français dit, moi je dirais que c'est la lumière, car il est prouvé que rien ne bat la vitesse de la lumière. Et le belge dit, moi je dis que c'est la diarrhée, parce que quand tu as la diarrhée, tu n'as même pas le temps de penser à ouvrir la lumière et que tu es déjà dans la merde. Ne l'encourage pas. J'aime beaucoup. Ah ouais. Alors, dites donc, Jacqueline, tu savais qu'il fallait 3 moutons pour tricoter un pull? Oh, ah ben non, je savais même pas que les moutons savaient tricoter. Alors, c'est donc un lapin aveugle qui court dans la forêt et qui se cogne à un serpent aveugle. Alors, le lapin dit, vous pouvez pas regarder où vous allez. Et le serpent, il dit, ben non, je suis aveugle. Et le lapin dit, ben moi aussi, merde alors. Mais dites donc, vous savez ce que vous êtes, vous? Le serpent fait, ben non, je sais pas. Et le lapin dit, ben moi non plus. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben je sais pas, on pourrait se frotter l'un contre l'autre et comme ça, on pourrait peut-être savoir ce qu'on est. D'accord, alors ils se frottent l'un contre l'autre. Et puis ils arrêtent. Et puis le serpent, il fait, bon, ben écoutez, vous êtes très poilu. Vous avez tendance à vous dresser sur vos pattes arrière, à vous tenir très droit. Et vous avez de grosses couilles. Je pense que vous êtes un lapin. Oh, bah merci, ça fait plaisir parce que depuis le temps que je voulais savoir ce que j'étais, là, je suis trop content. Le serpent, il fait, alors moi, je suis quoi? Je fais, bah écoutez, vous êtes visqueux et froid, vous rampez par terre, vous avez pas de couilles. Je pense que vous êtes un énarque. Et oui. Donc on va inviter, enfin surtout inciter nos téléspectateurs, nos auditeurs, à aller voir le spectacle de David Azencot. Mais oui, complètement. Oui, et c'est donc au théâtre Pandora, 30 rue Keller à Paris, à côté près de la Bastille, facile à trouver. Tous les vendredis et les samedis. On va remercier également autour de nous Frédéric Coster. Oh, bravo. Qu'on va aller également applaudir. Mais il passe où Frédéric Coster en ce moment? Au Comic Hall. Il n'y a pas de métro pour y aller. Ah si, c'est rue Pradier dans le 19e métro Pyrénées. Pyrénées. Et donc c'est tous les vendredis et samedis. Vendredi dans le 19e. Oui, ouais. Vendredi, samedi, 19h30. On va remercier également autour de la table GG. On va remercier Maurice. Ah, merci à tous. Et sa femme. Alors, on remercie également Bob du club. Ah oui. Bravo. Sans sponsor. Oui. Et puis exceptionnellement, Philippe Bello. Merci à Davy pour la réalisation. Et on vous rappelle plusieurs choses importantes. Très importantes. La première chose, c'est que si vous avez Facebook, il faut absolument que vous vous inscriviez au groupe On va se marrer. Bien sûr. Que vous y retrouvez les émissions en podcast, les infos sur nos invités quand ils font des nouvelles scènes, etc. On vous les met sur le site. Quand ils font des télés, on vous les met également sur le Facebook. Donc, on va se marrer. Et si vous n'avez pas entendu toute l'émission depuis le début, vous la retrouvez aussi sur notre podcast, sur iTunes et sur onvasemarrer.com. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, une autre surprise. Et encore une fois, merci à David Azencot. Merci. À la prochaine fois. Et bravo. C'est pas Sim qui vient la semaine prochaine.